Le maréchal Kim Jong-un a envoyé le 28 une couronne mortuaire devant la dépouille de feu Kim Jong-guk, général d'armée de l'armée populaire de Corée et lauréat des ordres Kim Il-sung et Kim Jong-il, en signe de ses profondes condoléances.